Exercice 8, page 120. Virelangue. Trois truites cuites poivrées pour la huite. Trois truites cuites poivrées pour la huite. Trois truites cuites poivrées pour la huite.